Ok. Il y a un synthé qui est fort là. Il est fort lui. Allez, là, il y a un bon guitariste. Très très bon. Mr. Amber Clark. I like. J'improvise moi. Impro. Impro. J'improvise, tu joues ce que tu veux. Joue ce que tu veux. Joue ce que tu veux. Je l'écris. Joue ce que tu veux. Bon, il y a 16 mesures, donc je commence à 1. Je sais que notre amour. Là, il me faut de la musique. Sinon, je fais a cappella avec Jean-Pierre. Allez. 1, 2, 3, 4. Come on! Ben, je sais que notre amour est mort depuis longtemps. Et que les beaux discours. Come on, come on, come on, my friend. Ouais, j'ai la basse. Je vais mettre la basse. Ok, la basse. Jean-Pierre. 48, ouais. Alors 48. Allez, c'est parti. Oui, parce que là... Moi, je me base sur Jean-Pierre. Vote BPI, BPI, BPI, 14. Il s'est barré, merde. Oh, on avait un bon bassiste, ça lui a cassé les couilles. Mais il y a chef Lorenzo qui s'en va, putain. Le chef qui se barre, on n'aura rien à bouffer. Ah, ça y est, on est en 48. Est-ce qu'il y a un bassiste? Un guitariste? Un guitariste. Il y a un pianiste, il y a un batteur, il y a un guitariste suisse, riche, de la Suisse. Titi, il est riche. Non, c'est un cliché, ça, que les Suisses sont riches. Bon, moi, je sais pas, moi. J'ai pas envie d'allumer l'instrument. Je pense. Bon, je sais pas moi, je vais voir. Moi je vais aller dans un autre serveur pour chanter. Putain, là-bas ils ont double basse, Rico, Mosca Drum, Try, X, Nightshire, Try, Atlantis. Atlantis is calling. Atlantis, c'est particulier lui. Un petit peu, comment dire, maniaque. Maniaque. Je vois. Bon, y'a personne? Ouais, faudrait trouver un truc de piano. Bon. Bon, ben, je reviens. Hein. Je reviens.